Je me souviens des chemins de Brocéliande où main dans la main nous parcourions la lande. Je ne sais plus pourquoi tu m'as aimé, mais dans la roche mon cœur fut enfermé. Tu ne voulais me laisser partir, m'envoler et ne plus revenir. Ô terre, pourquoi tu m'as enfermé dans les couloirs du temps où je suis enfermé? Je ne sais plus pourquoi tu m'as aimé. Je fus dragon de feu, je fus cheval ailé, serpent venimeux, un ange tombé. Quand je briserai les neuf cercles du vent, quand je briserai l'illusion du temps, dans la roche mon cœur fut enfermé. Je me souviens des chemins de Brocéliande où main dans la main nous parcourions la lande. Je ne sais plus pourquoi tu m'as aimé, mais dans la roche mon cœur fut enfermé. Mais dans la roche mon cœur fut enfermé.